بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va continuer inshallah ta'ala la lecture de Kitab al-I'tisam, le chapitre de la fermeté tiré du livre Sahih al-Bukhari. On est arrivé au huitième sous-chapitre. L'imam al-Bukhari rahimahullah qui dit: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس. Il nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, le sous-chapitre donc concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était interrogé concernant des sujets sur lesquels la révélation n'avait pas encore été faite. Alors il disait « je ne sais pas » ou il ne répondait pas jusqu'à ce que la révélation descende. Et il ne parlait pas en fonction de son opinion ou en faisant des analogies. Ensuite, il nous cite l'imam al-Bukhari, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Bima arakallah » en fonction de ce qu'Allah t'a fait voir. Ce qui est voulu par là, donc, le verset, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq, litahkuma bayna an-nasi bima arakallah » Certes, nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, afin que tu juges d'entre les gens en fonction de ce qu'Allah t'a fait voir. Et donc, il ne juge pas d'entre les gens en fonction de son opinion, en fonction de la raison ou autre. Et c'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit, وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas selon la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne parlait pas selon sa raison. Ici, l'imam al-Bukhari, il nous appelle à cela. C'est comme s'il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'interrogeait sur ce qui n'avait pas encore été révélé, il disait, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, je ne sais pas? Quand quelqu'un t'interroge, te pose une question sur le dîn, yani, t'es obligé de répondre. Si tu ne réponds pas, tu prends un péché? Non, tu ne prends pas un péché. Si tu ne réponds pas, tu dis, la adri, je ne sais pas, va demander à quelqu'un d'autre. Ou alors attends, je vais me renseigner pour toi, etc. Mais tu ne vas pas donner une réponse quand tu ne sais pas en te basant sur ta raison, en faisant des analogies. Et ceci est grave. L'imam Malik, rahimahullah, une grande montagne de science, il fut interrogé sur un grand nombre de questions. À chaque fois, il disait « la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». La personne qui dit « oh imam, je suis venu de telle et telle contrée ». Je vais retourner chez moi, je vais leur dire à l'imam Malik, il ne sait pas. Il leur a dit, tu montes sur ta monture, tu retournes chez toi, tu leur dis, l'imam Malik ne sait pas. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Pourtant, c'est l'imam Malik. C'est ça, les savants. Ils n'ont pas honte de dire, je ne sais pas. Mais subhanallah, les gens avec l'ignorance, ils sont gênés de dire, je ne sais pas. Ils sont gênés de dire, je ne sais pas. Il y a une parole très connue. Oui, c'est lié à l'ostentation, le fait de ne pas vouloir montrer à la personne que tu ne sais pas. Alors que non, tu dois, c'est pas grave, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu dis, je ne sais pas, je vais demander, je vais me renseigner. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a certains plus prédécesseurs qui disaient, « Kafa bil ilmi sharafan, an yantasiba ilayhi kullu man laysa fi. Wa kafa bil jahli iban, an yabra'a minhu kullu man huwa fi. » Il suffit à la science pour l'honorer, le fait que tous ceux qui n'ont pas de science, le fait que ceux qui n'ont pas de science vont s'affilier à la science. Et il suffit à l'ignorance pour la blâmer, le fait que ceux qui ont de l'ignorance vont se désavouer de l'ignorance. Ils ne veulent pas dire « je ne sais pas ». Ils ne veulent pas dire « je ne sais pas ». Alors que c'est la base, tu ne connais pas la réponse, tu te dis « je ne sais pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Et donc, le savant, l'étudiant en sciences, l'imam ou n'importe qui n'a pas le droit de répondre quand il ne connaît pas la réponse. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il nous cite, il nous dit, « Su'ila al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam anir ruh. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant un ruh, l'âme. Alors il s'est tu, il n'a pas répondu jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre sa parole. « Wa yas'alunaka anir ruh. » Et il t'interroge concernant un ruh, l'âme. Et donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est les juifs qui ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma outitum min al-ilmi illa qalila » dit « Ar-ruh, l'âme, l'esprit, vient du commandement de mon Seigneur et il ne vous a été accordé, il ne vous a été donné que très peu de science. » C'était ça la réponse qu'il a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité le verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé. Il n'a pas donné plus. Et donc, il est important qu'on comprenne ce sujet. Barakallahu fikoum. Un jour, un homme, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, j'ai tout fait avec une femme. J'ai fait avec une femme étrangère tout ce qu'un homme peut faire avec sa femme, sauf que je n'ai pas forniqué. J'ai fait tout, sauf que je n'ai pas forniqué. Alors là, le prophète, il n'a rien dit. Ils ont fait l'ikama, il a prié. Après la prière, donc il y a eu la révélation qui lui fut faite. Il a dit, qui m'a posé une question tout à l'heure? L'homme, il a dit, c'est moi. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, en fonction de la révélation, il lui a cité le verset, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at » Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Fini, tu viens de prier, ta prière a effacé tes mauvaises actions que tu as faites. Donc là, ce sont des petits péchés. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de comprendre cela, le fait qu'il n'est pas convenable que l'on se mette en avant lorsque on n'a pas la réponse, on n'a pas la science pour. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite un hadith qui est d'ailleurs dans Sahihayn, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui dit « Maridtu, faja'ani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni wa abu bakrin, wa huma mashiyan. » Je suis tombé malade, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr, ils sont venus chez moi pour me visiter. Ils sont venus à pied. Et donc ils sont venus alors que je m'étais évanoui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et ensuite il a versé l'eau de ses ablutions sur moi. Fait afaktu, alors je me suis réveillé. Fait kultu ya Rasulallah, kayfa aqdi fi mali. Alors j'ai dit, ô messager d'Allah, comment puis-je faire concernant mon argent? On a déjà parlé de ce hadith. Comment puis-je faire concernant mes biens? Alors là, il dit, kayfa asna' fi mali, comment puis-je faire concernant mon argent? C'est-à-dire que j'ai peur de mourir. Comment je vais faire concernant mon argent pour mes enfants, mes héritiers et autres? Alors il dit Feme Eje Beni Bishein Hatta Nezelet Ayatul Miraf. La personne elle est sur son lit ou elle pense qu'elle est sur son lit de mort. Elle pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne lui a répondu à rien du tout jusqu'à ce que le verset concernant l'héritage lui fût révélé. Parfois, certaines personnes peuvent se dire « Ah, il est sur son lit de mort, il est malade, il faut que je lui réponde tout de suite, Mali, je vais chercher un truc, vite fait. » Non. Tu ne parles pas de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pas en te basant sur tes pensées, tes opinions ou autres. Personne ne t'a obligé à répondre. Tu peux très bien dire à la personne « La Adri, je ne sais pas. » Ne réponds pas quand tu ne connais pas la réponse. Et on voit aussi dans ce hadith le caractère humble du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il est allé de lui-même pour aller visiter un de ses compagnons alors que c'était lui le gouverneur. Aujourd'hui les gouverneurs pour aller voir des personnes importantes qui sont malades, parfois ils vont envoyer des ministres ou autres. Mais là il est allé de lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Le sous-chapitre d'après, il nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah « Babu ta'limi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam » Ummatahu, min al-rijali wa al-nisa, Mimma 'allamahu Allah laysa bi ra'yin wa la tamthil. Il insiste sur ce sujet, l'imam al-Bukhari. Ça fait trois sous-chapitres qu'on voit d'affilée où il aborde le sujet de ra'y, les opinions. Il nous dit le sous-chapitre concernant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté parmi les hommes et les femmes en fonction de ce que Allah lui a enseigné qui n'était pas basé sur l'opinion ni al-tamthil, ce qui est voulu par là c'est al-qiyas, les conjectures, les comparaisons. Et donc on voit ici clairement que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il nous incite donc à nous baser sur les preuves textuelles, les preuves du Coran et de la Sunna, et de délaisser les opinions et autres. Ensuite, il nous cite un hadith selon Abu Saïd qui dit: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. Alors une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit: ô messager d'Allah, les hommes sont partis avec tes hadiths. Les hommes sont partis avec tes hadiths. Alors accorde-nous un jour durant lequel on puisse venir te voir et que tu nous enseignes de ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a enseigné. On comprend quoi de ce hadith? On n'a pas encore fini. Mais ici on comprend quelques points importants, parmi ces points importants, l'importance d'enseigner aux femmes. C'est important aussi que les femmes, elles profitent de la science et que le prédicateur ou l'imam ou autre s'assure que les gens de sa communauté puissent apprendre du côté des hommes et des femmes. C'est très important. On ne peut pas laisser les femmes comme ça à la maison, elles n'apprennent pas. Et subhanallah, le pire, ce qui me dérange le plus, c'est pendant Ramadan. Le mois du Coran. Le mois du Coran. L'homme, il va laisser sa femme à la cuisine toute la journée. Ah oui, il faut que tu me prépares ça. J'ai 30 invités ce soir. J'ai ci, j'ai ça. Elle va rester toute la journée à la cuisine. Il faut préparer le festin. Le soir, elle arrive. Elle n'a même pas la force d'aller faire Tarawih. Après Tarawih, tu vas lui dire: ah mais, on va lire un peu? Mais non, après toute cette journée, comment elle est fatiguée? Tu veux qu'elle fasse quoi? Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse en sorte que les femmes de la communauté musulmane, elles aussi, elles apprennent de la même façon que les hommes apprennent. Et d'ailleurs, on voit aussi dans ce hadith un point important qui est, excusez-moi, je vais essayer de peser mes mots, qui est fortement négligé en Martinique. On va dire ça comme ça. Un point qui est fortement négligé en Martinique: la mixité entre les hommes et les femmes. Ici, on comprend quoi? Que les hommes n'étaient pas mélangés aux femmes. Ô messager d'Allah, les hommes sont partis avec tes hadiths. Ça veut dire qu'on n'était pas là pour prendre tes hadiths. Elle n'a pas dit: est-ce qu'on peut venir nous aussi participer avec les hommes quand tu récites tes hadiths? Elle n'a pas dit ça. Elle a dit: est-ce que tu peux nous accorder un jour à nous, les femmes, afin qu'on vienne te voir et que tu nous enseignes ce qu'Allah t'a accordé comme science? Et donc ça, c'est spécifique aux femmes. Et donc, il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum, à nous préserver de tomber dans des égarements, dans des péchés, à cause de certaines négligences. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu en disant: Ijtami'ana fi yaumi kaza wa kaza, fi makani kaza wa kaza. Réunissez-vous tel et tel jour à tel et tel endroit. Fajtami'ana, alors elles se sont réunies. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu les voir et il leur a enseigné de ce que Allah lui a enseigné. Thumma qala, et ensuite il a dit aux femmes sallallahu alayhi wa sallam: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. Subhanallah. Il a dit aux femmes: il n'y a aucune d'entre vous, aucune, qui, donc, dont trois de ses enfants, la précède. Trois de ses enfants la précèdent, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Trois de ses enfants meurent avant elle. Il n'y a aucune d'entre vous sans que trois de ses enfants meurent avant elle, sans que ceci ne soit pour elle un rempart contre le feu. Un rempart contre le feu. Alors là, il y a une des femmes, elle a dit, « Ya Rasulallah, awifnein !»« Ô messager d'Allah, deux !» Alors il a répété la même chose qu'il avait dit, il l'a répété plusieurs fois, donc trois fois. Et ensuite il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wathnein, wathnein, wathnein. Il a dit deux, deux et deux. C'est-à-dire que ça suffit, donc la femme qui a perdu deux enfants, avant, donc deux enfants, ce qui est voulu ici, avant qu'ils atteignent la puberté. Deux enfants, la femme qui a perdu deux enfants, et qui a patienté, espéré la récompense, alors ceci... Donc la perte de ses deux enfants ainsi que sa patience sont un rempart pour elle contre le feu au jour de la résurrection. Voilà pourquoi il n'y a pas longtemps, il y a un de nos frères en France. Il a perdu, du moins sa femme, elle a perdu des jumeaux. Elle était enceinte, elle avait des jumeaux. Et elle a fait une fausse couche. Alors les frères m'ont dit, ah oui, il y a tel et tel frère, etc. Alors je l'ai contacté et je lui ai dit, tu annonceras à ta femme de ma part une bonne nouvelle. Si elle patiente et si elle espère la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce qui est arrivé est pour elle un rempart contre le feu. Si elle patiente, si elle endure, regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala, il nous facilite. Il nous accorde des causes afin qu'on soit préservé du feu. Allah, il veut pour nous le bien. Il veut pour nous le paradis. Mais est-ce que nous, nous voulons le paradis? Est-ce que nous, nous voulons le paradis ou alors nous voulons nous plaindre de tout ce qui nous arrive? Ah, pourquoi moi? Pourquoi si? Et pourquoi ça? Accepte le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Patience et endure. Le dernier hadith qu'on verra, inshallah ta'ala, ou du moins le dernier sous-chapitre, l'imam al-Bukhari qui nous dit « باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم » Et donc le sous-chapitre concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui seront secourus sur la vérité. « ظاهرين » ce qui est voulu ici c'est « secourus sur la vérité ». Ils combattent et ce sont les gens de science. Et ce sont les gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, comme le cite l'imam al-Bukhari, qui nous dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun » Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui sera secouru jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah et alors qu'ils sont secourus. Dans une autre narration, La tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq dhahirin la yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum. Il ne cesse d'avoir un groupe de ma communauté qui est sur la vérité secouru. Ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les trompent ou ceux qui les trahissent ne leur font pas de mal. Subhanallah. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de comprendre un point essentiel, c'est que ce n'est pas possible qu'à notre époque, ou un peu avant, il y ait des gens qui viennent avec un nouveau groupe comme ça, une nouvelle méthodologie, et qu'ils soient sur la vérité. C'est ce discours-là que j'ai eu avec l'établir. Je leur ai dit, votre groupe, il est né quand? Il est né quand, votre groupe? Il est né il y a quelques années, votre groupe. Comment est-ce possible que votre groupe soit sur la vérité alors qu'il vient de naître? Alors qu'il y a un groupe qui est sur la vérité depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas possible. Et aussi le fait qu'il soit secouru, les savants nous disent le fait qu'il soit secouru. Il se peut même qu'ils soient secourus après leur mort, pas pendant leur vivant. Exemple, l'imam Ahmed rahimahullah, ou du moins, excusez-moi, j'ai donné un mauvais exemple, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est mort où? Il est mort où, Ibn Taymiyyah? Barakallahu fik. Il est mort en prison, Ibn Taymiyyah. Il a été enfermé 8 fois. 8 fois. Et il y a des gens qui faisaient exprès de faire des délits pour aller en prison, pour aller étudier chez lui. Ibn Taymiyyah, il a été secouru ou pas? Certains veulent dire, ah mais il est mort en prison, il n'a pas été secouru. Regardez les livres d'Ibn Taymiyyah, ils sont où? Ils sont où? Ils prennent un étage entier dans la bibliothèque. Alors que j'ai pas tout. Un étage entier. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, les toulab al-ilm, les étudiants en sciences, les savants, ils profitent de la science de cet homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une capacité d'écrire des livres sans source. Il avait tout mémorisé avant d'aller en prison. Tout mémorisé avant d'aller en prison. Allah tabaraka wa ta'ala et les savants, ils nous disent, cet homme, c'était un miracle d'Allah. Comme Al-Bukhari, rahimahullah. Un miracle d'Allah. Certains ont voulu éprouver l'imam Al-Bukhari, ils ont voulu le tester. Ils ont entendu, on a entendu parler d'un homme, Al-Bukhari, Al-Bukhari. On va le tester, on va voir. Les gens ne connaissent pas encore les savants. Certains veulent être sur la vérité, mais ils ne reconnaissent pas l'importance des savants. Voilà pourquoi le Bukhari ici, il nous dit, ce groupe qui est sauvé, ce groupe qui est secouru, il nous dit, hum ahlul ilm. Ce sont les gens de science. Si tu n'es pas avec les gens de science, fais très attention. Tu ne peux pas être sur la vérité s'il n'y a pas des gens de science avec toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc l'imam al-Bukhari, lorsqu'il est arrivé, ce que les gens ont fait, ils ont pris plusieurs personnes. Chaque personne a un hadith. Mais chaque personne, ils ont changé les chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'ils prennent une chaîne de transmission d'un hadith, ils la mettent sur un autre hadith. Et ils donnent le hadith à une personne. Ils prennent un autre hadith, ils retirent sa chaîne de transmission, ils mettent la chaîne de transmission d'un autre hadith et ils le donnent à une autre personne. Donc toi, tu mémorises tel hadith avec telle chaîne de transmission qu'on t'a donnée. Et toi, tu mémorises tel hadith avec telle chaîne de transmission qu'on t'a donnée. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ils ont commencé à réciter à l'imam al-Bukhari les hadiths. 100 hadiths avec les chaînes de transmission modifiées. Et à chaque fois, l'imam al-Bukhari, il disait, je connais pas, je connais pas, je connais pas, je connais pas, je connais pas, je connais pas. Il a passé tous les hadiths. Lorsqu'ils ont fini, là, il a commencé. En ce qui concerne le premier hadith que vous avez cité, ça, ça, ça, ça, ça, en fait, cette chaîne de transmission, elle n'est pas correcte. La vraie chaîne de transmission, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Le deuxième hadith que vous avez cité, la chaîne de transmission correcte, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Le troisième, jusqu'au 100, comme ça. Le travail d'un ordinateur. Et donc, ces gens-là, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, leur a accordé une capacité qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer. Et donc, aujourd'hui, certaines personnes qui pensent être sur la vérité, mais ne pas suivre les savants, je vous le dis tout de suite, c'est un égarement. C'est pas possible. C'est un égarement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous ordonne de revenir vers les gens de science. Il nous ordonne, tabaraka wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi. Tu ne peux pas aujourd'hui venir et dire « Ah non, on va se passer des gens de science. » Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiguïté. Les gens aujourd'hui, ils veulent éloigner les musulmans des gens de science. Les savants du pétrole. Hein? Ou alors pour l'Algérie, ils vont te dire les savants de la montagne. Ou alors pour tel endroit, ils vont te dire les... À chaque fois, dans chaque pays, ils vont te trouver des critiques pour des savants. Dans chaque pays. Pour éloigner les gens des savants. Non, nous avons besoin des gens de science. Afin d'apprendre notre religion, afin de connaître la vérité, on doit apprendre. On doit apprendre. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Et une science profitable, il est capable de toutes choses. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.